je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Sur les vagues, je vais te faire descendre dans un ciel de sable. Je suis un bébé requin, au ventre blanc, aux dents nacrées. Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Joli bébé requin, je vais te dire.